La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les Goncourt disaient de Jules Barbey d'Aurevilly qu'il faisait penser à ces enfants qui se font des moustaches avec un bouchon. Ce n'était pas une façon très aimable de parler de ce grand dandy, mais lui non plus n'était pas en reste de gentillesse à l'égard de ses contemporains et même parfois de ses prédécesseurs. Quand il disait par exemple du Don Quichotte de Cervantes que c'était un livre monotone, d'une gaieté de muletier, ayant toujours le même goût d'ail et de proverbes. Nous parlons donc cette semaine de cet écrivain élitiste et anti-moderne qui était également un génial conteur. Né en 1808 en Normandie, il est mort dans cette région qu'il aimait tant à l'âge de 80 ans, assez solitaire et un peu malheureux a-t-on dit, même si l'on ne peut être sûr de rien avec les génies de la dissimulation, comme nous l'avons vu lundi, c'était avec Patrick Avrahan et c'était à l'occasion de notre émission biographique. Et puis hier, Pierre Glaude nous a présenté les grands thèmes de son œuvre et enfin demain, nous nous intéresserons à la manière dont on peut faire de l'histoire avec de la littérature. C'est Judith Lioncamp qui sera dans ce studio pour nous expliquer son travail sur ce thème. Le Kendl a donné lieu à un essai intitulé « La griffe du temps » qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer d'abord la correspondance de Barbey avec son ami Trébussien, mais surtout pour parler de son grand livre de nouvelles paru sous le titre des Diaboliques, nous sommes, s'il arrive, car il est pour l'instant quelque part perdu dans la maison de la radio, avec Philippe Berthier, professeur émérite de littérature française à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur les romanciers du 19e siècle comme Stendhal, Balzac ou encore Barbey d'Aurevilly. Il a réédité les Diaboliques en 2018 dans une édition de Classique Garnier avec sa correspondance sur Trébussien, et sa correspondance avec Trébussien aux éditions Bartilla. C'est justement par l'une de ces lettres de sa correspondance avec Trébussien que nous entamons cette compagnie des auteurs. Un jour, si je sors de ma bohème, de cette existence d'ambition et d'aventure, et que la fortune, cette souveraine capricieuse, me met au cou sa toison d'or, comptez sur moi. Et dites-vous bien que la vie ensemble, les voyages ensemble, ne nous manqueront pas. Votre nom, entrelacé dans le mien, les chiffres de l'amitié sont comme ceux de l'amour, est aussi connu que mon nom. Rien ne charme plus que cela. Qui dit d'Aurevilly, dit Trébussien. Si la gloire, cette belle drôlesse que j'aime, n'est pas pour moi l'ironique nuée diction, si j'en ai un peu à la fin pour dorer les lettres de mon nom, je suis sûr que vous serez associé à cette gloire et que vous partagerez la moitié de mon parasol. Si je deviens, vous serez. Nous sommes solidaires de l'avenir. Notre invité, Philippe Berthier qui pour l'instant ne donne pas de ses nouvelles. Heureusement, nous sommes avec l'un des fidèles de cette émission, Alexis Broca. Vous, vous Bonjour êtes Mathieu. Là, vous avez trouvé le studio. En effet. Justement, le magazine littéraire, le nouveau magazine littéraire auquel vous collaborez, dont vous êtes même rédacteur en chef adjoint, prépare, alors c'est un secret, il ne faut pas dire encore voilà. Pour quand exactement, un numéro sur Barbet d'Aurevilly. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors, ça ne sera pas juste sur Barbet d'Aurevilly, hein, ça sera sur tous ces écrivains chrétiens, antimodernes et un peu torturés, ceux qui ressentaient la proximité du divin et du diabolique, en quelque sorte, comme Barbet d'Aurevilly, et qui ont écrit des œuvres souvent assez sombres. Pour tout vous dire, à la rédaction, le nom de code du dossier, c'est Dark Cato. Dark Cato. Dark Cato, en effet. Et ça nous amuse assez, mais en même temps, ce sont des écrivains qu'on a tous lus et admirés souvent dans notre jeunesse. Moi, j'ai des souvenirs assez clairs de Barbet d'Aurevilly et des Diaboliques. Je me souviens très bien du volume de Folio avec ce cygne qu'on étranglait. Vous l'avez lu à quel âge hein? J'ai lu ça à 13 ans, et 13-14 ans, et j'y suis revenu un peu plus tard. Et je me souviens d'ailleurs avoir été extrêmement frappé par l'énigme que posent ces nouvelles, et notamment sur la façon dont, par exemple, ce couple de bourgeois du rideau cramoisi, qui n'apparaissent que par leur déclaration, que par leur façade, leur intériorité demeure close, et leur fille qui est l'objet de la convoitise du narrateur, et ben c'est pareil, elle est un mystère vivant, c'est une très belle fille égarée qui semble tomber du ciel littéralement au milieu de ce couple de bourgeois qui a des airs de princesse, qui parle assez peu, seulement quand c'est nécessaire, et qui... d'ailleurs, on se demande si elle n'est pas folle, cette fille, je me souviens. C'est une diabolique, alors. C'est une diabolique. Elle a du Satan en elle, probablement. Sans doute. En tout cas, il y a énormément d'ambiguïté dans cette nouvelle, et la fin, je me souviens, est extrêmement ambiguë, parce qu'on ne sait... Enfin, je ne vais pas tout vous dire. Mais si, on va tout dire. Non, c'est difficile, mais... parce que j'aimerais quand même donner un petit peu envie de revenir sur ces diaboliques, mais voilà, le destin de cette fille est laissé incertain jusqu'au bout, et ce goût de l'équivoque, de l'ambiguïté, quand vous le ressentez à 13 ans, c'est quelque chose d'assez puissant, parce que le propre des récits enfantins, c'est justement de ne pas être ambigu, d'être clair, d'être moraux. Je me souviens très bien aussi de la Vengeance d'une femme, qui est alors là pour le coup une nouvelle vraiment sidérante lorsque vous la découvrez jeune. Je rappelle un petit peu, la Vengeance d'une femme, c'est l'histoire de cette prostituée qui, pour se venger de son mari, qu'elle avait déshonoré par l'adultère, décide de se... C'est à l'origine une grande aristocrate, la femme d'un grand d'Espagne, qui se jette dans la prostitution. C'est une forme de suicide par prostitution, en quelque sorte. Elle se jette dans la prostitution pour déshonorer son mari, dans la perspective du moment où elle se retrouvera à l'hôpital agonisante et où le scandale éclatera. Voilà donc j'ai de beaux souvenirs des diaboliques. En effet, en revanche, j'ai moins creusé l'œuvre romanesque, mais mes camarades du dossier. Il me semble me souvenir que c'est Monsieur François Angelier qui coordonne ce dossier. Ah, bien connu ici à France Culture. Voilà, qui prépare une biographie par ailleurs de Barbet, me semble-t-il. Pour l'instant, les éléments qu'on a du dossier sont tout à fait alléchants. Alors, vous avez lu quand même ces diaboliques, Alexis Broca. Les diaboliques, ce sont évidemment des femmes. Oui. C'est donc des femmes qui forment, d'une nouvelle à l'autre, finalement, le fil rouge d'une vision, quand même, de Barbet d'Aurevilly sur les femmes. Alors, avec aujourd'hui la question du genre qui, tout d'un coup, surgit et qu'on utilise pour réanalyser ces nouvelles du 19e, quelle vous semble être, alors je fais appel à vos souvenirs, évidemment, vous n'avez pas révisé, bien entendu, Alexis, pour cette émission, mais dans une lecture qui serait une lecture aujourd'hui genrée, par exemple, du rideau cramoisi, est-ce que vous avez l'impression que Barbet a des femmes une vision un petit peu étriquée? Parce que c'est vrai qu'aussi, Barbet est considéré comme étant un conservateur, un antimoderne, et pourtant, quand on reprend la nouvelle, le rideau cramoisi, on se rend compte que la jeune jeune fille est celle qui fait le premier pas. C'est celle qui traverse la chambre des parents, en effet, de nuit, pour venir rejoindre le narrateur dans sa chambre. Et même avant ça, c'est elle qui met sa main sous la table. Tout à fait, sur la main du narrateur. Sur la main du narrateur. Il est d'ailleurs stupéfait, parce que ça fait un mois qu'il est là, et si je me souviens bien, et il n'en revient pas. En effet, ce sont souvent des... Alors, c'est très ambigu, parce qu'on voit bien que... Je parle de mes souvenirs, mais enfin, je me souviens bien que il y a quand même à la fois effectivement cette vision de la femme qui prend l'initiative, qui en quelque sorte se libère de l'inaction dans laquelle la cantonne l'époque, se libère de la passivité, et en même temps cette femme elle est diabolique. Donc est-ce que l'émancipation féminine pour Barbet d'Orvilly n'est pas diabolique? Et en même temps, parce que je pense que Barbet d'Orvilly savait déjà qu'on ne sortait jamais grandi d'une ambiguïté. En même temps, on sent bien qu'il les admire. Il a de l'admiration pour ces femmes. Je pense à cette héroïne, alors je me souviens plus de son nom, qui est une bretteuse, qui manie l'épée et qui a fomenté l'assassinat de la femme de son amant, si je me souviens bien, et qui vit depuis tout à fait heureuse et sans problèmes moraux avec son amant qui est devenu son mari. Ça, en effet, c'est une sacrée figure de conquérante. Et en même temps, il s'attache autour de ces femmes une sorte de parfum d'excentricité aristocratique, un petit peu. Les femmes de Barbet d'Orvilly, enfin, pas toujours, hein, mais en tout cas, celle-là s'émancipe dans le cadre des excentricités permises à l'aristocratie. Elles vont sans doute un peu plus loin parce qu'elles vont jusqu'au meurtre. Mais enfin, tout de même, il y a un côté chevaleresque là-dedans. Il me fait penser en fait parfois à ces tableaux de Félix Vallotton qui, d'un côté, mettent en scène la libération de la femme, de l'autre côté, mettent en scène des femmes très angoissantes qui menacent effectivement l'homme de son temps. Et je pense que Barbet d'Orvilly ressentait cette même... Il avait peur des femmes peut-être. Peut-être qu'il avait à la fois... C'est le mélange, parce qu'elle lui faisait un peu peur, il les admirait, et ce mélange de peur et d'admiration qu'elle suscitait les rendait sans doute diaboliques. Féroce comme une jeune fille, écrit-il. Voilà, exactement. Il parle aussi des coquines, c'est quand même un petit peu sexiste. Dans le rideau cramoisi, il y a aussi une scène qui m'a un petit peu étonné. C'est le moment où donc ce jeune officier de 17 ans qui arrive donc à Valognes est donc reçu chez l'habitant, chez ce couple de bourgeois dont vous parliez à l'instant, Alexis Broca, et il aime s'habiller tout seul devant sa glace et revêtir son uniforme. Il dit « Je m'habillais pour moi comme ces femmes qui n'en font pas moins leur toilette quand elles sont seules et qu'elles n'attendent personne. » Là encore, il y a quelque chose, je trouve, de très étonnant dans le décalage entre un Barbet d'Orvilly qu'on nous présente comme un terrible conservateur et en même temps quelque chose d'extrêmement moderne dans la fluidité du genre. Mais bien sûr, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a frappé, mais est-ce qu'il est conservateur finalement, Barbet d'Orvilly? À l'époque, ça ne m'avait pas frappé, et en même temps, si j'avais été quand même surpris du soin effectivement que mettait le personnage à s'habiller, et il y a ce côté dandy, et le dandy effectivement est dans le brouillage du genre, dans le sens où il met autant de vous savez ce que disait Octave, pour écrire des œuvres d'art il faut s'habiller comme une œuvre d'art, et ben c'est un peu ce que fait ce personnage en quelque sorte. Le dandy est déjà dans la fluidité du genre, oui c'est vrai, et en même temps il y a une forme d'éthique dans cette esthétique. Il y a une volonté effectivement encore une fois d'apparaître comme une œuvre d'art, peut-être pour se sentir soi-même poussé par sa propre apparence et accéder à une sorte de plénitude de ses moyens. Enfin, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Et en effet, c'est féminin. Et alors, peut-être que si on avait dit à Barbet d'Orvilly que son dandysme était le tirait du côté féminin, peut-être... Non, ça ne lui aurait pas cru. Je pense pas que ça lui aurait pu. D'ailleurs plutôt... Alors, c'est un mot encore moderne, mais enfin, il était plutôt homophobe, disons. Il n'appréciait pas tellement l'esthétique et la compagnie des... la compagnie, je ne sais pas, mais enfin, il a eu des mots, je crois, sévères sur l'homosexualité. Il a eu des mots assez durs, effectivement, sur les homosexuels. Toutefois, je vois assez peu la différence entre le dandysme d'Orvilly et le dandysme d'un Oscar Wilde. Et puis, il y a aussi chez eux un culte de la beauté. Il y a aussi chez les deux un culte de l'ambiguïté. Après, effectivement, d'Orvilly est sans doute plus... vénéneux que Wilde, moins esthète, mais enfin, je pense que d'ailleurs à ce niveau-là, les différences de genre n'ont plus grand intérêt et c'est surtout l'esthétique qui compte, voilà. Et là, ils se rejoignent. temps passe, je mesure le temps qui passe. Et tandis que l'eau s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères. À l'aune, à l'orée du jour, le soleil sera de retour. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc. On s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous. Les cerfs-volants par Benjamin Biolay, une chanson que nous a dénichée Laurence Millet. Question des dandys modernes dans cette chanson. Nous sommes avec Alexis Broca. Nous aurions dû être également avec Philippe Berthier, mais malheureusement, il n'est pas arrivé jusqu'à ce studio. C'est pas grave. On discute aujourd'hui avec vous de Barbet de Révilly, Alexis, du nouveau magazine littéraire. Quelle vous semble être aujourd'hui la postérité de Barbet de Révilly? C'est un auteur qui est un petit peu étudié au lycée, notamment oui. Le rideau cramoisi, oui, je crois. Mais est-ce que vous avez le sentiment, vous qui lisez énormément de romans, que des écrivains aujourd'hui pourraient, alors si ce n'est sans réclamer, au moins avoir des accointances avec lui, avec sa prose? Il y a effectivement un écrivain qui a des vraies accointances avec Barbet de Révilly, c'est Eric Reinhardt, qui, dans L'amour et les forêts, met en scène une professeure de français qui est fanatique de Barbet de Révilly. D'ailleurs, alors j'essaie de ne pas dire une bêtise, mais il me semble que Eric Reinhardt reproduit d'ailleurs à l'intérieur du roman une nouvelle de Barbet de Révilly. Le livre de Reinhardt, par ailleurs, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Le livre de Reinhardt est lui-même très romantique au sens moderne, et en même temps c'est un livre effectivement assez vénéneux, puisque c'est l'histoire de la destruction d'une femme qui, elle, pour le coup, n'est pas diabolique. C'est son mari et son entourage qui l'est, et qui vont en fait mener cette femme qui aime les arts, qui aime la littérature, qui n'a pas d'immenses ambitions, mais cherche au moins à s'épanouir dans sa vie, qui vont l'écraser en écrasant tout ce qu'elle aime, en niant la valeur de tout ce qu'elle aime. Et donc là, au moins, on a quelqu'un qui se réfère directement à Barbet de Révilly. Après, c'est vrai que lorsque je contemple le paysage littéraire en général, j'aurais tendance à dire que Barbet de Révilly n'a pas eu vraiment de filiation directe. Et pourtant, si on regarde un petit peu précisément, il y a chez Barbet d'Orvilly des curieux mélanges de genres. Je pense à ces organes, ces cœurs que l'on fait dévorer aux chiens, par exemple, qui ressemble à une scène cruelle médiévale. Il y a beaucoup de sang, de toute façon. Le rouge est vraiment la couleur de Barbet. Le cramoisi, le rouge, exactement. Le rideau cramoisi. Ou ce cœur que l'on sauve. Ça aussi, c'est un geste qui peut rappeler un geste chrétien de préservation d'une relique. Donc il y a quelque chose de médiéval là-dedans, quelque chose qui s'insère dans le flux dans la continuité du récit, avec d'autres influences. Et là, pour le coup, ce mélange des genres, cette façon d'assortir différentes tonalités esthétiques, ça me paraît quand même assez moderne. Ce qui me paraît aussi assez moderne, c'est cette façon dont on parlait tout à l'heure de ne pas révéler l'intériorité des personnages, de les laisser agir, de les laisser parler et de laisser le lecteur se faire une opinion et parfois de laisser le lecteur dans le flou. Aujourd'hui, il y a des styles entiers qui partent de ce parti pris. Je pense au style behavioriste qui est très en vogue aux États-Unis et qui a popularisé British Ellis. Donc cette espèce de refus justement du narrateur omniscient, c'est-à-dire c'est pas pour rien que Barbet d'Orvilly met en scène des narrateurs. Il y a toujours des récits enchâssés. Ouais. On est toujours dans la confidence chez Barbet d'Orvilly. Oui, et il y a toujours justement cette espèce d'atmosphère de serre chaude où finalement on va rencontrer un personnage comme on en croise. Alors plus tard on en croisera dans les trains, mais avec Barbet on en croise dans les cas. Oui, c'est ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas et parce qu'on ne les connaît pas, ils peuvent se livrer d'autant plus et d'autant mieux. Ouais. Et c'est là qu'ils vous racontent la chose scandaleuse qu'ils n'ont jamais finalement racontée à personne. Voilà, qu'ils n'ont jamais rencontré à personne parce que vous êtes le confident idéal puisqu'ils ne vous reverront jamais. C'est vrai, moi j'avais pas pensé à ça parce que ce thème, enfin cette façon d'introduire un récit en introduisant un narrateur, c'est assez courant. Dumas le fait beaucoup. Stéphane Zweig aussi. Stéphane Zweig le fait beaucoup. Maupassant le fait pas mal. C'est vrai que en faisant comme ça, lorsque vous... De ce côté, Barbet d'Orvilly me semble effectivement être plus réaliste lorsqu'il reproduit une voix, simplement parce que, à cause de tout le hors-champ, à cause de tout ce que cette voix ne sait pas et tout ce qu'elle est incapable de dire. Et du coup, ça nous laisse avec des mystères, ça nous laisse avec des questions, exactement comme la vie. C'est-à-dire que vous ne savez jamais exactement ce qui se passe derrière les yeux de la personne que vous avez en face de vous. Donc, Et ça renvoie peut-être justement au mystère de Dieu, qui est évidemment pour Barbet d'Orvilly l'explication totale qui lui permet justement de ne jamais rien expliquer dans ses romans. Les romans de Barbet d'Orvilly, ce sont réellement des trouées de lumière dans l'infini de ce qu'on ne peut pas comprendre et que seul Dieu finalement peut englober dans sa globalité, parce que c'est évidemment l'omniscience. Ça se retrouve aussi, Alexis Broca, dans la manière de fabriquer que Barbet d'Orvilly a, la manière de fabriquer ses récits, c'est-à-dire en laissant toujours planer le doute sur ce qu'on doit comprendre. Il y a donc une espèce de tension entre quelque chose qui est réellement donné, c'est-à-dire que on nous dit les choses, on nous dit exactement ce qu'il se passe, et en même temps on est nimbé dans une espèce d'atmosphère extrêmement brumeuse et extrêmement cotonneuse, et ça fait de la vraie littérature passionnante. Bien sûr, parce qu'on vous dit une histoire, si vous voulez, on vous dit une histoire, mais c'est une histoire. On ne sait pas si c'est la réalité, on ne sait pas si derrière le rideau cramoisi que voit le narrateur pour la deuxième fois, il s'est réellement passé ce qu'il raconte lorsqu'il est venu pour la première fois dans cette maison. Donc tout, bien sûr, et tout peut être soumis au doute dans Barbet d'Orvilly. Et en effet, c'est ce qui est intéressant. Après tout, quand quelqu'un vous parle, vous n'êtes jamais sûr qu'il vous dit la vérité ou qu'il vous explique autre chose. C'est assez moderne. Je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des romans qui sont presque omniscients, mais ces romans, très souvent, ils scindent les voix. C'est-à-dire qu'au lieu de vous montrer le point de vue de vous raconter l'histoire selon le point de vue de Dieu qui sait tout et qui voit dans toutes les têtes, le roman va vous le montrer selon diverses subjectivités qui vont parler tour à tour, et c'est à vous de reconstituer le tableau général pour vous faire une idée plus ou moins objective d'ailleurs de ce qui s'est passé vraiment. Donc oui, il y a dans ces stratégies narratives quelque chose d'effectivement de quelque chose de moderne. Je suis pas sûr que ça soit fait complètement consciemment d'ailleurs. De toute façon, il y a beaucoup d'inconscient, on l'a dit, oui. Chez Barbet de Révy, c'est même le romancier, l'un des romanciers de l'inconscient. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qu'il a de commun avec beaucoup de romanciers catholiques qui sont effectivement pleins de torsions et qui chez qui le conflit entre la foi, le désir, la création, etc. engendre des névroses fécondes, faut dire, disons les choses comme elles sont. Bon, il n'y a pas de Barbet chez Mauriac pourtant. Non, il n'y a pas de Barbet chez Mauriac, c'est vrai. Non, mais je pensais plutôt à des gens comme Huysmans, par exemple, des choses comme ça, qui s'en vont, qui reviennent vers la foi. Écoutez la compagnie des auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous sommes avec Alexis Broca et nous parlons de Jules Barbet d'Aurevilly. Nous devions être avec Philippe Berthier, mais malheureusement, il n'a pas pu arriver jusqu'à ce studio. On a beaucoup parlé avec vous, Alexis Broca, de cette nouvelle très belle, Le Rideau Cramoisi. Je voudrais vous en lire le premier paragraphe pour qu'on ait aussi dans l'oreille le style de Jules Barbet d'Aurevilly. Il y a terriblement d'années, je m'en allais chasser le gibier d'eau dans les marais de l'Ouest. Et comme il n'y avait pas alors de chemin de fer dans le pays où il me fallait voyager, je prenais la diligence qui passait à la patte d'oie du château de Rueil et qui, pour le moment, n'avait dans son coupé qu'une seule personne. Cette personne, très remarquable à tous égards et que je connaissais pour l'avoir beaucoup rencontré dans le monde, était un homme que je vous demanderai la permission d'appeler le vicomte de Brassard. Précaution probablement inutile, les quelques centaines de personnes qui se nomment le monde à Paris sont bien capables de mettre ici son nom véritable. Il était environ 5h du soir, le soleil éclairé de ses feux à lentilles, une route poudreuse bordée de peupliers et de prairies, sur laquelle nous nous élançâmes au galop de 4 vigoureux chevaux dont nous voyons les croupes musclées se soulever lourdement à chaque coup de fouet du postillon. Du postillon, image de la vie, qui fait toujours trop claquer son fouet au départ. Nous avons la chance d'avoir dans cette équipe comme stagiaire cette année Garance Mazelier. Vous entendez son nom parfois à la fin de l'émission. Garance Mazelier qui fait des études de littérature. Vous voulez nous dire quelques mots sur le fantastique dans cette nouvelle Le Rideau Cramoisi. Qu'est-ce que vous pourriez raconter aux auditeurs sur ce thème que vous connaissez un petit peu ? Oui, bonjour Mathieu. Alors en effet, comme vous l'avez lu dans le début de cette nouvelle, on voit tout de suite que le récit mis en place par Barbet fonctionne de manière médiatisée, c'est-à-dire qu'il introduit un premier narrateur qui va ensuite passer le relais à une seconde parole pour raconter une histoire. Donc d'emblée, le lecteur aura l'impression que ce récit peut être un peu éloigné est en fait vrai, mais au fur et à mesure de la nouvelle, comme on le découvre, un certain nombre d'éléments presque surnaturels vont intervenir. Déjà, le fait que cette nouvelle prenne place dans une diligence peut rappeler l'univers des contes de fées. Bon, ça c'est un premier point. Et puis ensuite, il faut parler du récit donc de Brassard qui raconte son arrivée dans cette famille en pleine nuit. Alors on peut peut-être s'arrêter sur les personnages, par exemple les parents. Les parents sont en effet très énigmatiques. Voilà, les parents de cette Alberte qui ménage une attente assez étrange, qui ne se réveille jamais la nuit quand Brassard et Albert se rencontrent, avec ce père qui joue du violon dans son grenier. Donc ça, ça pose déjà un type de personnage assez étonnant. Et il en fait un portrait, Barbedon et Willy, de personnes qui sont à la fois très normales et justement par leur normalité un petit peu étranges. Et ça, peut-être que c'est justement un élément du fantastique. Oui, tout à fait. Et puis dans cette maison qui est rythmée simplement par les dîners, le rythme des dîners, des repas, où le narrateur, enfin le second narrateur, ne sait pas vraiment. Les conversations ne sont pas du tout rapportées, et d'ailleurs quasiment aucune conversation ne sera rapportée dans cette nouvelle. Et puis c'est surtout ce personnage d'Albert qui est vraiment très très étonnant, donc, complètement fantomatique. Oui, déjà par son nom qui est un peu étrange. Enfin, on n'entend pas beaucoup ce nom même dans la littérature. Et puis surtout tous les signaux qu'elle va lui envoyer pendant ses repas, donc les signes qu'elle lui fait avec sa main. Il y a toute une mise en scène aussi qui ménage l'attente du lecteur et qui participe de ce mystère et de ce fantastique, parce que la définition du fantastique, c'est l'idée que justement on ne sait pas, c'est cette indécision qui fait la richesse de la nouvelle. Mmh. Je vous propose de continuer à parler de Jules Barbet d'Aurevilly avec vous deux, Alexis Broca et Garance Mazelier, juste après la chronique, bah oui, d'Alexis Broca aussi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Alors, Alexis Broca, puisque nous avons la chance de vous avoir, parlez-nous peut-être un petit peu de ce pourquoi vous êtes venu finalement, c'est-à-dire le nouveau magazine littéraire dont le dossier en ce mois d'avril est consacré à rien moins que Friedrich Nietzsche. Voilà, alors j'étais venu bien sûr par Barbet d'Aurevilly attiré, mais aussi pour livrer cette petite chronique sur le journal pour lequel je travaille, donc le nouveau magazine littéraire. Et en effet, nous avons consacré notre dossier d'avril au philosophe Friedrich Nietzsche, et surtout à la façon dont sa pensée peut nous éclairer pour envisager le 21e siècle. Voilà, c'est un dossier qui a été coordonné par le philosophe Dorian Astor. C'est un dossier que j'ai trouvé passionnant. J'y ai pas participé, donc je peux vous le dire de l'extérieur. Il s'agit pas, comme souvent quand les journaux s'emparent d'un penseur, de faire de la philo-fiction et de rhabiller Nietzsche en une espèce de Nostradamus qui aurait prévu tout le 20e siècle, le 21e et au-delà. Mais en fait, il s'agit plutôt de mesurer comment est-ce que Nietzsche peut nous aider à penser des questions décisives comme l'écologie, le transhumanisme, les intégrismes, les néo-fascismes. C'est donc un dossier sur les usages de Nietzsche, mais aussi sur ses mésusages, puisque le philosophe allemand s'est vu embrigadé jusqu'à aujourd'hui dans des pensées ou des idéologies contre lesquelles il s'était précisément élevé. Il est très intéressant de se pencher sur ces mésusages, puisque en les décortiquant, en s'intéressant aux erreurs d'interprétation, eh bien, on éclaire la réalité de la complexe pensée de Nietzsche. Il y a cette question du relativisme, par exemple, qu'on retrouve en ce moment dans tous les journaux américains. Ça part des fragments posthumes de Nietzsche et du fait qu'il affirme qu'il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Alors, du coup, on en fait le père de tous les relativismes, le père de l'idée que tout se vaut, et donc qu'en philosophie, toutes les lectures se valent ou ne valent rien. Voilà. Et effectivement, en cette ère où les fausses nouvelles, les fake news abondent, eh bien, on en fait en quelque sorte le père spirituel de Trump, ce qui est quand même assez étonnant. Et les journalistes américains se sont vraiment engouffrés dans la brèche, puisque l'article du spécialiste qui a étudié la question pour le magazine littéraire commence par une série d'exemples absolument sidérants pour nous lecteurs français, où on nous explique que Trump s'inspire de Nietzsche pour nous raconter une réalité truquée. En fait, Nietzsche n'est pas tout à fait un relativiste. Non, quand pas même. Du tout. Il n'est pas du tout relativiste. Effectivement, il pensait qu'il n'y avait pas de fait que des interprétations, mais il disait aussi que tout est une question de perspective et que c'est dans la multiplication et la confrontation de ces perspectives, eh bien, qu'on peut arriver à progresser vers quelque chose. Il l'écrit dans Généalogie de la morale, il n'y a de vision que perspective, plus nous savons engager Dieu différent pour cette chose, plus notre concept, entre guillemets, de cette chose, notre objectivité, entre guillemets, sera complète. Donc ça veut bien dire, on parlait du roman choral tout à l'heure, ça veut bien dire qu'il faut confronter les points de vue. Effectivement, ils sont tous subjectifs, mais ça ne veut pas dire qu'ils se valent tous, que tout ne vaut rien. Alors, voilà. L'autre grand malentendu sur Nietzsche, Alexis, c'est celui qui en fait le penseur du nazisme. Voilà, alors ça c'est assez consternant, mais ça s'explique, parce que ce malentendu a beaucoup de sources, Bertrand Russell ou Thomas Mann notamment. Et la source principale, c'est la sœur du philosophe, Elisabeth, qui était antisémite et nazie convaincue. Elle donnera même d'ailleurs la canne de Nietzsche à Hitler. Hitler viendra même à son enterrement. Et bref, cette sœur a profité de l'effondrement psychique de Nietzsche pour récupérer des carnets, des aphorismes et concocter une espèce de recueil qui s'appelle La volonté de puissance, qui est un recueil frauduleux puisqu'il tire Nietzsche vers le nazisme, mais qui sert, c'est terrible d'ailleurs, mais ce recueil est toujours publié aujourd'hui, toujours vendu comme un recueil que Nietzsche aurait voulu, et il sert de référence à tous ces gens qui voudraient vraiment un Nietzsche nazi. Mmh. En fait, lorsqu'on regarde les textes de Nietzsche, c'est le contraire. Nietzsche s'était proclamé anti-antisémite. Il haïssait le nationaliste allemand et il répugnait à l'idée de pureté. Voilà. En fait, pour Nietzsche, le bon européen, c'est quelqu'un qui marie à la fois les qualités de l'officier prussien et celles du juif européen. Donc vous imaginez que comment cette idée aurait pu être reçue chez les nazis s'ils avaient voulu l'avoir. En fait, Nietzsche, il rêvait plutôt d'une politique qui ne serait pas fondée sur la morale de troupeau, donc le nationalisme, mais sur une morale de maître, sur une morale d'être qui se ressent, enfin, d'être fini, du moins. Et ces êtres finis, ces bons européens, eh bien, ils uniraient les nations politiquement, et sur cette base politique, une nouvelle culture européenne naîtrait. Voilà, on est loin du Reich. Il y a d'autres articles encore éclairants, oui, par exemple, celui de Pierre Ducrozet, je crois. Voilà, j'ai beaucoup de mal à faire cette électronique parce qu'on a plein d'articles passionnants, vraiment. Il y a un texte de Pierre Ducrozet, en effet, qui nous explique comment Nietzsche lui sert à lui, romancier, pour construire des personnages à partir de ce qu'il appelle les lignes de force, dessinées par la pensée de Nietzsche. Auteur de l'invention des corps, voilà, Jacques Sud récemment. L'invention des corps, qui est un texte remarquable sur le transhumanisme, en effet. Nous avons un article passionnant sur la difficulté d'accommoder Nietzsche à la pensée écologique. Logique. Et en même temps, la façon de Nietzsche de rejeter tout ordre transcendant et tout dualisme entre l'ordre entre l'homme et la nature, ça peut le relier à l'écologie. On a un article aussi d'une universitaire brésilienne qui s'appelle Scarlett Martin. C'est très inattendu, c'est sur l'enjeu que représente Nietzsche dans le Brésil de Bolsonaro. Nietzsche, il se trouve que c'est un penseur qui fait fureur au Brésil, et conservateur et libertaire se l'arrache littéralement. On a un autre article, ça aussi c'est vraiment un bel angle, sur la façon dont Nietzsche est reçu au Maroc. Ça c'est par un jeune philosophe marocain autodidacte qui s'appelle Yassine Lamidi, et c'est passionnant. Comment est-ce qu'on peut recevoir Nietzsche dans un pays où la mort de Dieu relève de l'impensable? Voilà. Et puis pour conclure, nous avons bien sûr un grand entretien avec Bernard Stiegler, qui a écrit récemment Qu'appelle-t-on penser, avec un A, penser, ouais. Et qui interroge notre ère qu'on appelle l'anthropocène, et qui l'interroge au prisme de la pensée de Nietzsche. Bon, c'est vraiment un très beau numéro. Ah, c'est un dossier c'est un dossier très enthousiasmant parce que les auteurs ne tentent jamais de plier Nietzsche à la modernité. Ils explorent juste sa pensée et il se trouve qu'elle est encore féconde et pertinente et qui plus est souvent exprimée dans un merveilleux langage. Très Donc, littéraire. On rappelle que c'est le dossier, mais dans le magazine littéraire, le nouveau magazine littéraire, ouais. Il y a évidemment plein d'autres choses, voilà, et notamment des chroniques de livres. Vous reviendrez pour nous en parler. De toute façon. Critique, bien entendu. On continue avec vous, Alexis. elle avait disparu de la plus radicale manière. Elle avait fait non pas ce qu'on appelle un trou dans la lune, car elle n'avait pas laissé plus une dette qu'autre chose derrière elle, mais elle avait fait ce qu'on peut très bien appeler un trou dans le vent. Le vent souffla et ne la rendit pas. Le moulin des langues, pour tourner à vide, n'en tourna pas moins et se mit à moudre cruellement cette réputation qui n'avait jamais donné barre sur elle. Comment et avec qui cette fille si correcte et si fière s'en était-elle allée? Qui l'avait enlevée? Car bien sûr, elle avait été enlevée. Nulle réponse à cela. C'était à rendre folle une petite ville de fureur. Et positivement, V le devint. Haute-Claire Stassin, en disparaissant, n'eut personne pour elle. Elle avait, en s'en allant, offensé l'amour-propre de tous, et même ce furent les jeunes gens qui lui gardèrent le plus rancune et s'acharnèrent le plus contre elle, parce qu'elle n'avait disparu avec aucun d'eux. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons toujours des Diaboliques de Barbet d'Aurevilly avec vous, Garance Mazelier, stagiaire à la compagnie des auteurs, et aussi avec Alexis Broca du nouveau magazine littéraire, en l'absence de notre invité qui n'a pas pu arriver jusqu'ici. On vient d'entendre un extrait donc de cette nouvelle qui s'appelle Le bonheur dans le crime, extrait des Diaboliques. L'avez-vous en tête, Garance Mazelier, cette nouvelle? Oui, tout à fait. Alors, Le bonheur dans le crime, comme c'était aussi le cas pour Le rideau cramoisi, commence par un premier récit qui sera ensuite suivi d'un second récit dans toujours ce principe d'enchâssement narratif chez Barbet. Et le récit commence, donc là on a entendu un extrait qui parlait de la mystérieuse disparition de Haute-Claire Stassin. Que tout le monde adore. Voilà, après qu'elle a empoisonné en fait sa rivale avec l'aide du mari de sa rivale, d'où l'idée du bonheur dans le crime. Donc Haute-Claire Stassin, c'est un personnage très étonnant aussi, un peu comme Albert qui a beaucoup de traits masculins. Oui. Puisqu'on avait vu voilà que Albert avait ce prénom qui la rapprochait plus des hommes que des femmes, et Haute-Claire, elle, a ce nom très très noble, et en même temps elle s'appelle Haute-Claire, voilà, et en même temps elle va jouer de l'escrime avec son amant. Donc il y a ces scènes qui sont assez étonnantes dans la nouvelle, et en fait au tout début le narrateur voit ce couple. Des années après ce crime-là, 20 ou 30 ans après, ils sont au Jardin des Plantes et ils aperçoivent la panthère du Jardin des Plantes. Et c'est un couple très impressionnant, c'est-à-dire que malgré l'âge des deux membres de ce couple, ils provoquent, sur qui les regarde, une espèce de fascination. Ils sont extrêmement beaux et extrêmement fascinants. Regarde, et d'ailleurs, le premier narrateur les regarde et s'étonne de cette prestance, de cette beauté auprès de la personne qui l'accompagne et qui se trouve avoir été le médecin du couple à ce moment-là. Et donc, en fait, la scène du Jardin des Plantes est vraiment une scène emblématique où en fait Haute-Claire Stassin va tenir tête à cette panthère qui finalement n'arrivera pas à lui arracher autre chose que son gant dans un moment de peur, et donc ça fait vraiment aussi toute cette mise en scène et cette médiatisation narrative fait aussi la force du récit de Barbet. Cette idée d'une panthère en cage sera aussi reprise chez Proust un peu plus tard. Alors ça tombe bien parce qu'on aimerait bien que vous nous parliez, Garance Mazelier, vous qui avez travaillé durant vos études sur Proust, selon divers aspects, Proust et le luxe par exemple, mais c'est pas de ça que vous allez nous parler aujourd'hui, Proust et la mode. Quel rapport peut-on faire entre Proust et Barbet d'Aurevilly? Alors on sait que chez Proust, il y a des mentions dans À la recherche du temps perdu de Barbet d'Aurevilly, mais ça va peut-être développer déjà sur ce thème-là, si vous le souhaitez, Garance. Oui, alors là c'est vraiment un point de détail qu'on trouve dans le temps retrouvé, mais on a vraiment une allusion directe à cette nouvelle de Barbet chez Proust, avec une inversion qui est assez intéressante, puisque c'est le duc de Guermantes qui se retrouve à la place de la panthère dans une scène où on le décrit comme un vieux fauve dompté qui se trouve dans la cage du jardin des plantes chez sa nouvelle femme, Madame de Forcheville. Donc on a toujours cette panthère, enfin ce combat de fauve en fait entre les personnages, mais chez Proust on voit que les choses sont inversées puisque la panthère emprisonnée c'est maintenant le duc qui est éclipsé par les femmes, et donc on a chez Proust comme chez Barbet aussi cette place très importante accordée aux femmes, et les femmes sont toujours dans les deux cas très mystérieuses, et on peut faire aussi le lien entre Albert et Albertine évidemment. Alors on va continuer de parler de cela avec vous Garance Mazulier, je crois que notre invité Philippe Berthier est arrivé, on va le retrouver d'ici quelques secondes. Bonjour Philippe Berthier. Bonjour et pardon. C'est pas grave, vous êtes perdu dans cette grande maison en travaux. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'arriver jusqu'à ces studios. On va terminer avec vous l'émission, peut-être sur la correspondance entre Trébucien et Barbet, puisque vous avez édité cette correspondance qui est une très importante correspondance. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Pour vous, c'est l'une des plus belles du 19e siècle. Oh, écoutez, je crois que c'est un avis assez partagé. Malheureusement, elle est trop peu connue. Elle a réuni deux correspondants absolument aux antipodes l'un de l'autre, mais cimentés tout de même par une amitié qui a duré fort longtemps et qui s'est terminée par une brouille retentissante. Mais il n'était pas possible d'être aussi différent que Trébucien, un souffreteux et assez terne savant, érudit, normandiste et bibliothécaire de Caen, et le flamboyant Barbet qu'il avait connu comme jeune étudiant. Et ils sont été véritablement accordés par une connivence intellectuelle très forte, puisqu'ils partageaient l'un et l'autre fondamentalement les mêmes partis pris idéologiques et religieux, mais en même temps, c'était deux tempéraments absolument antagonistes. Autant Trébucien était introverti, frileux, timoré, etc. Autant Barbet, évidemment, était provocant, et c'est ce qui a d'ailleurs amené la brouille. Mais est-ce qu'on peut parler presque d'un couple pour ces deux-là? Parce que on a l'impression qu'ils se fournissent l'un à l'autre ce qui manque à l'autre. Alors, le côté flamboyant, Barbet l'apporte à Trébucien, et puis Trébucien apporte à Barbet des détails, un travail que lui n'a pas envie de donner très précisément. Ah, on a d'un côté l'aérien, et puis de l'autre côté, le travail de la fourmi. Et ces deux choses-là permettent de créer l'œuvre finalement. Mais Trébucien a été indispensable à Barbet comme scribe, comme secrétaire, comme documentaliste, on dirait aujourd'hui. Il faisait des recherches sur le terrain. Barbet, il était taillable et corvéable à merci. Il en a d'ailleurs. Ça nous donne aussi une indication sur la personnalité de Barbet. Barbet avait une conception vampirique de l'amitié. Il disait, puisqu'il pensait au fond, sans oser le dire, que Trébucien devait s'estimer extrêmement heureux d'être le collaborateur discret en coulisses d'un homme, d'un écrivain tel que lui. Donc il faut rappeler quand même que c'est Trébucien qui a édité tout simplement les premiers textes de Barbet à ses frais, hors commerce. Donc il lui a mis le pied à l'étrier, et Barbet lui en a été extrêmement reconnaissant. Et en même temps, il y avait la distance entre Paris et Caen, piégé et végétant dans sa ville de province. Trébucien attendait sa dominicale, c'est-à-dire la lettre que Barbet lui offrait tous les dimanches et qui était sa bouffée d'oxygène hebdomadaire et qui lui permettait de supporter la médiocrité de son sort. Alors, est-ce qu'il est question des diaboliques dans cette correspondance? Ah non, pas du tout, et pour une raison très simple, c'est que les diaboliques, je le rappelle, sont sortis en 1874, et donc la brouille ayant eu lieu en 1858, il ne pouvait pas pas en échanger, sauf oui, évidemment qu'ils se sont totalement séparés voilà, sur des questions éditoriales. La toute première diabolique, le dessous de carte d'une partie de Whist, qui est la plus ancienne, 1850, là, ils en parlent. D'autant plus que c'était un fait divers, si on peut dire, qui avait été à l'origine de ce récit. Barbet met son point d'honneur dans la préface des diaboliques à dire que tout est vrai, rien n'a été inventé, et donc le récit dessous de carte d'une partie de Whist a été inspiré par un fait réel qui s'était passé à Valognes. Alors tout ce qui était de la Manche et du Cotentin, c'était l'affaire de Trébucien qui devait maintenant répercuter à Barbet tout ce dont il entendait parler. Et c'est vrai que les diaboliques ont été en grande partie écrites à Valognes. Oui. On peut peut-être dire un mot de la genèse très difficile quand même de ce recueil. Barbet a eu des difficultés à le faire publier. C'était un recueil jugé par trop scandaleux, Philippe Berthier. Évidemment, il y a eu un procès avorté parce que Barbet, pour parler très familièrement, s'est complètement dégonflé. Barbet, qui détestait Flaubert, avait tout de même été impressionné par les ennuis qu'avait récolté l'auteur avec Madame Bovary. Et surtout, en 1857, il avait été aux toutes premières loges au moment où Baudelaire, dont il était très proche à ce moment-là, avait été poursuivi. Barbet a même été le seul, on ne s'est pas bousculé pour défendre Baudelaire au moment où certaines pièces des Fleurs du Mal ont été condamnées. Barbet y est allé d'un article retentissant où il faisait de Baudelaire un immense poète, à la stupeur générale, puisqu'on pensait que Baudelaire, évidemment, était absolument à l'opposé de ses positions religieuses. Et donc Barbet avait été vraiment traumatisé par le sort réservé à Baudelaire, et lorsqu'il a été interrogé par le juge Ragon, le juge d'instruction, sur l'immoralité des diaboliques, il s'est dégonflé avec des arguments d'ailleurs assez peu convaincants, en protestant de sa volonté de stigmatiser le vice. Oui, alors je crois que c'est ce moment où il dit « Il est certaines œuvres où se produit une réelle confusion entre le bien et le mal, et cela parce que les teintes pâles qui les entourent ne permettent pas de les discerner. Le mal que j'ai peint dans mon œuvre, au contraire, je lui ai donné exprès un relief d'autant plus énergique que je voulais qu'on ne pût les confondre et qu'ils puissent servir pour tous d'épouvantail et d'horreur. » En effet, il bat un petit peu en retraite. Oui, il le suppose, n'est-ce pas, que le caractère extrêmement audacieux de ses peintures aurait un effet prophylactique, c'est-à-dire ça viserait en fait à créer la terreur et à éloigner de la tentation les lecteurs. Vous y croyez, vous? Est-ce non, que pour vous, pas. C'est un auteur je crois vraiment profondément moral? Je crois profondément à la sincérité chrétienne et catholique de Barbet. Il est profondément persuadé de la nécessité esthétique de Dieu. Si on évacue Dieu et son double simiesque Satan de l'horizon, il n'y a plus aucun enjeu, la littérature n'a plus aucun intérêt. Mais cela dit, il est évident que la littérature pour lui n'a pas d'autre enjeu que d'illustrer ce que Baudelaire, les diaboliques sont un recueil entièrement baudelairien, il appelait la double posture. L'âme humaine comme champ de bataille entre le bien et le mal, la transascendance et la transdescendance, l'appel de l'en haut et la séduction de la fange, et c'est à l'origine de sa théorie de la grande largeur catholique. Et il a souffert de voir que la littérature catholique de son temps se résumait à des bondieuseries sulpiciennes absolument misérables, alors que lui, il se serait situé, en faisant l'anachronisme évidemment, du côté d'un Dostoïevski par exemple, hein, c'est-à-dire véritablement avec les réclamations de l'en haut et de l'en bas qui tiraillent l'âme humaine dans une clarté d'orage permanente. Et donc c'est ce qui fait que ce recueil est un recueil militant, polémique, dirigée expressément contre le 19e siècle, contre une notion erronée de la civilisation. Il dit tout ça, tout ce que je raconte, c'est d'aujourd'hui, c'est contemporain, ça se passe tous les jours à Paris ou ailleurs, c'est notre monde et nous ne voulons pas le voir. Et Satan, dont le nom n'est jamais prononcé, est à l'œuvre partout, toujours, chaque jour. Merci beaucoup, Philippe Berthier. C'était La Compagnie des Auteurs, un épisode un petit peu spécial. Un grand merci à Alexis Broca du Nouveau Magazine Littéraire et à Garance Mazelier de La Compagnie des Auteurs. Merci à vous également, Philippe Berthier. Je rappelle que vous êtes donc professeur émérite à l'Université Paris 3. On peut lire de vous Barbet d'Aurevilly et Les Humeurs de la Bibliothèque. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est sur les critiques de Barbet d'Aurevilly. Et puis évidemment, vous avez édité Les Diaboliques chez Classique Garnier en 2008, sans parler des Lettres à Trébucien chez Bartilla en 2013. C'était donc La Compagnie des Auteurs, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Élise Leu. Demain, pour notre dernier épisode de cette série Barbet, nous serons avec Judith Lioncan. Elle nous parlera de ce que la littérature peut apporter à l'historien et à l'historienne avec l'exemple de la nouvelle Une vieille maîtresse de Barbet d'Aurevilly. Tout de suite, on trouve Jacques Bonafé, la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. On va s'en prendre à la nature aujourd'hui pour changer, ça fait du bien. Si la nature, dont quelques personnages de grande renommée, non sans raison, a douté si on la devait appeler mère ou marâtre, eût donné aux hommes un commun vouloir et consentement, outre les innumérables commodités qui en fussent procédées, l'inconstance humaine n'eût-tu besoin de se forger tant de manières de parler, laquelle diversité et confusion se peut à bon droit appeler la tour de Babel. Oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond au départ de cette défense et illustration de la langue française de Dubélé, mais il est quand même, lui, arrivé à réguler un peu la mécanique. Écoutez, ô marâtre nature, et marâtre es-tu bien de ne m'avoir plus sage ou plus heureux fait naître? Pourquoi ne m'as-tu fait de moi-même le maître pour suivre ma raison et vivre tout du mien? Ou dans un autre poème, astre cruel et vous dieux inhumains, ciel envieux et marâtre nature, soit que par ordre ou soit qu'à l'aventure, voise le cours des affaires humains. Pourquoi jadis ont travaillé vos mains à façonner ce monde qui tend dur, ou que ne fut de matière aussi dure le brave front de ces palais romains? Je ne dis plus la sentence commune que toute chose au-dessous de la lune est corrompable et sujette à mourir, mais bien je dis, et n'en veuille déplaire à qui s'efforce enseigner le contraire, que ce grand tout doit quelquefois périr. Il y a une autre présentation possible de Dubélé, c'est celle magnifique de Jacques Borel dans la préface au regret, édition Gallimard. Je me suis toujours étonné que Dubélé soit l'auteur, ou du moins le principal rédacteur, de la défense et illustration de la langue française du premier manifeste, en somme, d'une littérature où il n'est guère de mouvement qui n'ait été accompagné de son envers conceptuel, comme si, fasciné par l'école, par la règle et la loi, nos écrivains et nos poètes même ne s'étaient jamais défiés de rien tant que de l'ingénuité de la création, de son libre élan, de sa sauvagerie native, au point que la plus folle, la plus dénouée en son principe des houles poétiques, le surréalisme, c'est de théorèmes, de manifestes et d'excommunications qu'elle a vécu. La folie et le merveilleux se voyant sévèrement assigner les chemins qu'il devait suivre. Et nous, on va se consoler avec un sonnet. Après avoir longtemps erré sur le rivage, où l'on voit lamenter tant de chétifs de cour, tu as atteint le bord où tout le monde court, fuyant de pauvreté le pénible servage. Nous autres, cependant, le long de cette plage, en vin, tendons les mains vers le notonnier sourd, qui nous chasse bien loin, car pour le faire court, nous n'avons un quatrain pour payer le nolage. Ainsi donc tu jouis du repos bienheureux, et comme font là-bas ces doctes amoureux, bien avant dans un bois te perds avec ta dame. Tu bois le long oubli de tes travaux passés, sans plus penser en ceux que tu as délaissés, criant dessus le port ou tirant à la rame. Merci Jacques Bonafé pour la suite de vos lectures des regrets de Joachim Dubélé.